وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence aujourd'hui le cours numéro 49 dans la lecture du livre عمدة الأحكام, le شرح de Cheikh Abdullah Al-Bassam رحمه الله, تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. Et on est arrivé aujourd'hui dans un chapitre qui s'intitule Babul Qira'ati fi Salah. C'est le quatrième chapitre dans l'édition qu'on est en train de lire, et c'est le chapitre au sujet de la récitation du Coran pendant la Salat et les règles qui sont reliées à cette question. Maintenant, le Cheikh Abdullah Al-Bassam, il dit dans l'introduction de ce chapitre, ou de ce sous-chapitre si on veut être plus précis, il dit مباحث هذا الباب الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة هل تصح الصلاة بدونها والكلام على المواضع التي يكتفي فيها أو التي يكتفى فيها بالفاتحة والمواضع التي يشرع فيها بعد الفاتحة غيرها والكلام أيضا على نوع القراءة بالنسبة للصلوات وذلك ونحو ذلك من البحوث المتعلقة بالقراءة. Donc le cheikh explique, rahimahullah, que les sujets dont on va traiter dans ce chapitre sont les questions suivantes: la parole au sujet de la récitation de sourate al-fatiha durant la salat, et est-ce que la salat peut être valide sans cette récitation, sans cette récitation de la Fatiha. Ensuite, l'autre sujet que le cheikh a mentionné, c'est les endroits ou les moments dans lesquels on peut se limiter à la récitation de la Fatiha dans la salat, de même que les endroits dans lesquels il est légiféré de réciter autre chose que la Fatiha, ou bien quelque chose après la Fatiha, autre que la Fatiha. Et ensuite, un autre point qu'il a mentionné, la catégorie ou la sorte de récitation par rapport au salawat, et ainsi que d'autres exemples semblables parmi les sujets qui sont reliés à la récitation du Coran pendant la salat. Donc ça, c'est les points dont on va parler, inshallah. Donc j'essaie de retrouver le point, parce que j'ai une autre édition, puis dans l'autre édition, les numérotations des chapitres ne sont pas les mêmes. Donc comme je vous avais expliqué, dans chaque édition, parfois, il peut y avoir des différentes numérotations. Donc ça arrive. Donc dans l'autre édition que j'ai, de Dar Salam, ce chapitre, c'est le 16e. Et le hadith qu'on va lire dans l'édition de Dar ibn Hazm, eh bien, c'est le hadith numéro 94. Alors que dans l'édition de Dar Salam, le hadith qu'on va lire maintenant, c'est le hadith 101. Donc c'est le même hadith, mais c'est la numérotation qui est différente. Et j'ai déjà expliqué dans les cours précédents pour quelles raisons il y a cette différence de numérotation. Ok, ceci dit, on commence maintenant avec la récitation ou la lecture premièrement du hadith en question. Donc, je vais juste faire un test pour vérifier que la radio est bien enclenchée, parce que parfois ça m'arrive d'oublier de l'allumer. Donc, le hadith, ouais, ça fonctionne. Khair, inshallah. Donc, le hadith 94, الحديث الرابع والتسعون عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاري ومسلم. Donc c'est-à-dire que عبادة بن الصامت رضي الله عنه il rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité l'ouverture du livre, c'est-à-dire la Fatiha du livre. C'est Surat al-Fatiha. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Comme tous les hadiths, ou la plupart des hadiths de Umdatul Ahkam, ils sont tous soit de Al-Bukhari, ou soit de Muslim, ou soit des deux ensemble. Et ici, le Cheikh explique le sens général de ce hadith. Il dit المعنى الإجمالي سورة الفاتحة هي أم القرآن وروحه لأنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله تعالى وإثبات الملك والقهر والمعاد والجزاء والعبادة والقصد وهذه أنواع التوحيد والتكاليف ثم اشتملت على أفضل دعاء وأجل مطلوب وسؤال النجاة من سلوك طريق المعاندين والضالين إلى طريق العالمين إلى طريق العالمين العاملين كما أثبتت كذلك الرسالة بطريق اللزوم لذلك فرضت قراءتها في كل ركعة وأنيطت صحة الصلاة بقراءتها ونفيت حقيقة الصلاة الشرعية بدون قراءتها ويؤكد نفي حقيقتها الشرعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا وهو لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن Donc ça c'est la partie ou le paragraphe à propos de la signification générale du hadith. Et le cheikh explique que Surat al-Fatiha, c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe Ummul Qur'an, hein, la mère du Qur'an, c'est-à-dire la source, hein, ou le cœur, hein, l'essence du Qur'an et son âme. Et le cheikh, il dit que cette surah, la raison pour laquelle elle est Ummul Qur'an, c'est parce qu'elle a réuni en elle toutes les formes de glorification et les attributs élevés d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que l'affirmation de la royauté et de la force contraignante d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que la résurrection et la rétribution, de l'adoration et de l'intention, et toutes les différentes formes. Donc tout ça, c'est des formes différentes de l'explication du tawhid et des charges d'obligation et d'application des règles de la charia qui sont imposé aux serviteurs. De même que cette sourate, elle comprend aussi les meilleures invocations et les plus nobles des exigences et la demande du salut, hein, de suivre la voie des opposants parmi les gens qui s'opposent à la vérité et de ceux qui s'égarent du droit chemin vers le chemin de ceux qui ont la connaissance et qui mettent cette connaissance-là en pratique. De même que, également, cette sourate, elle établit et affirme, hein, le message de la prophétie des messagers, de même qu'elle établit et elle affirme le message par implication, le message des messagers par la voie de l'implication, et il dit, et c'est pour ça que la récitation de cette sourate a été ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala et rendue obligatoire dans chaque raka'a. Et la validité de la prière a été attachée à sa récitation. Et la réalité légale de la prière a été niée pour celui qui ne la récitait pas. Et la confirmation de la négation de sa réalité légale a été confirmé par un autre hadith qui est rapporté par Ibn Khuzaymah dans son Sahih, selon Abi Huraira radiyallahu anhu marfou'an, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière de quelqu'un ne sera pas valide si on n'a pas récité dedans la Fatiha, qu'il a mentionné comme étant Ummul Qur'an, la mère du Qur'an, c'est-à-dire l'essence du Qur'an. Et le Cheikh, il dit ensuite Ikhtilaful Ulama. Donc maintenant, il va mentionner les divergences des ulama en ce qui concerne la récitation de la Fatiha. Il dit Taqaddama. Donc on a déjà parlé de cette question de façon résumée dans le chapitre précédent, on a mentionné quelque chose en ce qui a trait à ce sujet, mais maintenant il va élaborer un petit peu plus. Il dit le Cheikh تقدم أن مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة ولكنهم يجيزون الصلاة بدونها ولو من قادر عليها والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعين الفاتحة مع القدرة عليها وتقدمت أدلة الفريقين هناك. Ok, on va traduire ça en premier, après on continue inshallah. Le cheikh il explique que parmi les divergences des ulama au sujet de la Fatiha, on a expliqué déjà précédemment que le madhhab des Ahnaf, al-Hanafiyya, dans leur madhhab, il est légiféré pour eux de réciter la Fatiha dans la salat. Mais ils permettent également de faire la salat sans cette récitation-là. C'est-à-dire, ils rendent valide la prière de quelqu'un qui ne la réciterait pas, même s'il a la capacité de le faire. D'accord ? Donc pour eux, la prière, réciter la Fatiha dans la salat, c'est légiféré. Toutefois, si quelqu'un ne la récite pas alors qu'il a la capacité de le faire, eh bien il considère que sa prière est quand même valide, même sans la Fatiha. Mais le Cheikh il dit toutefois, la position qui est correcte, et qui est la position vers laquelle s'est dirigée la majorité des ulama, le Jumhur, c'est-à-dire par exemple, le madhhab de l'imam Malik et Shafi'i et Ahmad et d'autres également, eux ils considèrent que c'est une obligation à chaque personne qui prie, qui fait la salat, de réciter la Fatiha lorsqu'il est capable de le faire. Il est obligé obligatoire pour chaque personne de réciter la Fatiha lorsqu'il a la capacité de le faire, et on a déjà présenté les preuves des deux groupes, l'épreuve du Jumhur et l'épreuve du Madhhab al-Hanafi au sujet de cette question. Maintenant, le Cheikh il dit, donc la position correcte, c'est que chaque personne doit la réciter s'il a la capacité de le faire. On a déjà présenté l'épreuve de chacun des deux groupes. Maintenant, il mentionne, il dit وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ قِرَاءَتِهَا لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ واختلفوا في قراءتها للمأموم. Donc les savants sont tous tous d'accord. Il y a un ijma, il y a un consensus sur le fait que de réciter la Fatiha pour l'imam et pour celui qui prie seul, c'est une obligation. Maintenant, il y a une divergence, mais c'est au sujet de un autre point. Et c'est quoi cette divergence-là? C'est au sujet de celui qui prie derrière l'imam. Ils ont divergé, les ulama, au sujet de celui qui prie derrière l'imam. Est-ce que c'est obligatoire pour lui de la réciter, la Fatiha, ou non? D'accord? Donc, pour l'imam et pour celui qui prie tout seul, il y a le consensus sur le fait qu'il est obligatoire de la réciter. La divergence, c'est à quel sujet? C'est par rapport à celui qui récite derrière l'imam. Est-ce que c'est obligatoire pour lui, lorsqu'il prie en jama'a, derrière un imam, est-ce que c'est obligatoire pour lui de réciter la Fatiha ou non? Là, on va maintenant détailler cette question-là. فذهبت الحنابلة والحنفية إلى سقوطها من المأموم مطلقا سواء كان في صلاة سرية أم جهرية. Donc il dit, en ce qui concerne les Hanabila, les gens qui suivent le madhhab al-Hanbali et les ulama du madhhab al-Hanafi, al-Hanafiya, ces deux-là, ils sont de l'opinion que l'obligation de réciter la Fatiha, elle tombe de façon absolue, peu importe que ce soit une prière qui est une prière à haute voix ou une prière à voix basse. Vous savez que l'Asr et l'Asr, on les prie à voix basse. Tandis que al-Maghrib, al-Isha, al-Fajr, l'imam récite à haute voix. Donc, certains ulama, ils distinguent entre les prières à haute voix et les prières à voix basse. Et al-Hanabila ou al-Hanafiya, eux, ils ne font pas cette distinction-là. Ils considèrent que depuis que quelqu'un il prie derrière l'imam, eh bien, ce n'est plus obligatoire de réciter la Fatiha pour celui qui prie derrière l'imam. Il dit ensuite: وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصل إمام من إمام ومأموم ومنفرد. Tandis que le madhhab al-Shafi'i, ذهبت الشافعية, les savants du madhhab al-Shafi'i, de même que أهل الحديث, c'est-à-dire ceux qui se réfèrent au hadith, parmi les imams du hadith, eux, ils ont l'opinion que il est obligatoire de réciter Surat al-Fatiha pour toute personne qui fait la salat, peu importe qu'il soit imam, peu importe qu'il soit en train de prier seul, et peu importe que ce soit celui qui suit l'imam, qui prie derrière l'imam. Donc que ce soit un imam, que ce soit celui qui prie derrière l'imam, ou que ce soit quelqu'un qui prie seul, dans tous les cas, du moment qu'il fait la salat, c'est obligatoire pour lui de réciter Surat al-Fatiha. Et il dit: وذهبت المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية وسقوطها عند وسقوطها عنه في الجهرية وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. Donc le cheikh il dit, de même que il dit ensuite que l'opinion du madhhab al-Maliki, les savants du madhhab al-Maliki, leur opinion c'est que de réciter la Fatiha, c'est une obligation pour celui qui prie derrière l'imam, si la prière qu'il fait c'est une prière à voix basse, donc al-dhuhr wal-asr. Toutefois, si c'est une prière à voix haute, comme al-fajr, al-maghrib, al-isha, eh bien, dans ce cas-là, elle n'est pas obligatoire de le réciter lorsque l'imam récite à voix haute. Toutefois, quand il récite à voix basse, les gens qui sont derrière l'imam doivent réciter. Et ça, c'est une des paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal aussi, et cette opinion a été également choisie par Ibn Taymiyyah et d'autres également parmi les savants vérificateurs. Le cheikh, il dit ensuite les preuves de chaque position, c'est-à-dire les preuves que chaque savant des différents madhabs qui ont divergé sur cette question, c'est quoi les preuves qu'ils ont ramenées pour supporter leur position. Il dit استدل الحنفية بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وحديث إذا قرئ أو إذا قرأ فانصتوا. Donc le premier position, la position des Hanafiya qu'on a mentionné au début, eux ils ont utilisé comme preuve le hadith qui dit celui qui prie derrière l'imam, la récitation de l'imam c'est une récitation pour lui, c'est-à-dire la récitation de l'imam compte pour lui. Il dit ensuite wa qawluhu ta'ala idha quri'a al-Qur'an, le verset 204 dans sourate Al-A'raf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et lorsque le Coran est récité, alors écoutez la récitation et faites le silence. Lorsque le Coran est récité, alors écoutez le Coran, écoutez sa récitation et faites le silence. Ça c'est le verset dans sourate Al-A'raf. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, sourate Al-A'raf, elle n'a pas. C'est pas 200. Oui, c'est 204, j'ai dit. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence. La'allakum turhamun. Pour que vous puissiez obtenir la miséricorde. Donc, ça, c'est l'exemple qu'ils ont amené comme preuve. Et l'autre verset. Iza quri'a fansitu. Dans le hadith, un hadith que le cheikh il dit ici qu'eux ils ont utilisé comme preuve lorsque le Coran est récité, alors gardez le silence. Maintenant on a vu, donc là maintenant c'est la preuve des Hanafiya qu'on vient de lire. Maintenant la position des Shafi'iyya et ceux qui ont été d'accord avec lui parmi les ulama de hadith, il dit وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيَّ وَمَنْ وَافَقَهُمْ بِحَدِيثِ عُبَادَ الَّذِي معنا وأجابوا عن حديث من صلى خلف الإمام إلى آخره بما قاله ابن حجر في أن طرقه كلها أن طرقه كلها معلولة فلا تقوم به حجة. Donc la position des Shafi'iyya, les savants du madhhab al-Shafi'i et ceux qui ont été d'accord avec eux parmi les ulama du hadith, comme on l'a dit, c'est le hadith qu'on a dans le chapitre qu'on est en train de lire maintenant, le hadith de Ubadah ibn Samit. Ça c'est leur preuve, c'est-à-dire il n'y a pas de salat pour celui qui n'a pas récité la Fatiha du livre. Donc ça c'est leur preuve. Et en ce qui concerne la preuve du madhhab des Hanafiya, quand ils ont mentionné le hadith qui dit celui qui fait la salat derrière l'imam, la récitation de l'imam est une récitation pour lui, ils ont répondu à cet argument là par ce que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani a mentionné du fait que toutes les voies et toutes les chaînes de transmission de ce hadith-là sont toutes malades, c'est-à-dire elles ont toutes un problème, et donc le hadith en question n'est pas authentique, et donc il ne peut pas être utilisé pour comme argument ou comme preuve. D'accord ? Le hadith que les Hanafiya ont utilisé pour justifier leur opinion, quand ils disent que celui qui prie derrière l'imam, la récitation de l'imam est une récitation pour lui, ce hadith-là est un hadith faible. Donc il ne peut pas être utilisé comme preuve, comme l'imam Ibn Hajar, al-Hafiz Ibn Hajar l'a mentionné. Ensuite il dit وَأَمَّا الْآيَةِ وَحَدِيثِ إِذَا قُرِئَ أَوْ إِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ونحوهما فهي عمومات في كل قراءة وحديث عبادة خاص بالفاتحة. Donc le cheikh explique qu'en ce qui concerne le verset qui a été mentionné, lorsque le Coran est récité, alors écoutez-le et gardez le silence. Il dit ça, c'est des versets et le hadith aussi qui sont des généralités. C'est-à-dire c'est des versets, et c'est un verset et un hadith qui mentionne dans le cas où on récite le Coran de façon générale. Tandis que le hadith de Ubadah ibn Samit, il est spécifique. C'est un hadith qui est spécifique, c'est-à-dire il n'y a pas de prière valide pour celui qui n'a pas récité la Fatiha du livre. Donc ça c'est spécifique à la Fatiha. Donc on ne peut pas appliquer le sens général du verset sur ce cas-là, puisque c'est un hadith qui vient restreindre le sens général de cette de ce verset et de ce hadith, donc de garder le silence lorsqu'on récite le Coran. Ça voudrait dire donc excepté pour la Fatiha, hein, il faut réciter la Fatiha absolument. Il dit ensuite le cheikh, wa qultu wa yatma'innu al-qalb, non, ou bien ويطمئن القلب الى التفصيل الذي ذهب اليه الامام مالك والامام احمد في احدى الروايتين عنه لان ادله الفريقين تجتمع فيه فيحصل العمل بها كلها ولان قراءه الفاتحه تفوت الماموم في السريه إذا لم يقرأها ولم يسمعها من الإمام ولا يكون للإمام فائدة ما دام المأموم يشتغل بالقراءة عن الإنصات للإمام كما يتعين قراءة الفاتحة على المأموم الذي لا يسمعها لبعد أو لطرش على أن لا يشغل ذلك بمن بجانبه من المصلين المنصتين. D'accord. Donc ici le cheikh il dit qu'est-ce que le cœur, il dit notre cœur ressent la tranquillité et le repos vis-à-vis de la position que l'imam Malik a mentionné, dans lequel il détaille son opinion et qui distingue entre la prière qui est sirriya et celle qui est jahriya. Et de même que c'est une des opinions de l'imam Ahmad dans une de ses narrations à ce sujet-là. Et il dit que la raison pour laquelle cette opinion-là nous apaise le cœur, c'est parce qu'elle réunit les preuves des deux positions ensemble et elle permet donc de mettre en application toutes les preuves en même temps. Hein? Parce que la récitation de la Fatiha, il dit parce que la récitation de la Fatiha, elle risque de manquer à la personne qui récite, lorsqu'il récite à voix basse, si il ne la récite pas et qu'il n'entend pas non plus l'imam la réciter. Donc ça voudrait dire que dans ce cas-là, s'il récite pas et qu'il n'entend pas non plus réciter, ça voudrait dire que il n'a pas du tout récité cette sourate dans la prière. Si on prenait l'opinion de ceux qui disent que ça tombe pour celui qui est derrière l'imam, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'appliquerait pas le hadith de Ubadah ibn Samit qui mentionne que pour celui qui n'a pas récité la Fatiha, il n'y a pas de prière. C'est comme s'il n'avait pas prié. Donc, le fait de prendre cette position comme celle de l'imam Malik, eh bien, ça réunit entre les deux preuves. La personne va réciter la surat al-Fatiha lorsque l'imam récite à voix basse, et il ne va pas perdre donc la validité de sa prière, tandis que lorsque l'imam récite à haute voix, eh bien il peut l'entendre au moins, et donc c'est comme si il a quand même le bien de l'avoir écouté, puis en même temps de pas être disons de pas avoir récité pendant que l'imam est en train de réciter. Donc dans ce cas-là, les deux preuves sont respectées ou sont prises en considération. Naam. Il dit, excepté bien entendu si par exemple la personne qui récite la Fatiha, si c'est dans le cas par exemple où il est derrière l'imam et qu'il est tellement loin de derrière qu'il n'entend pas la récitation de l'imam, alors dans ce cas-là il peut la réciter, hein. Ou bien quand il y a quelque chose, du bruit ou quelque chose qui empêche la personne d'entendre la récitation de l'imam, alors dans ce cas-là il peut quand même la réciter, à condition que cela ne dérange pas les autres qui prient avec lui, hein, et qui sont dans le silence. Donc ça c'est une opinion aussi parmi les opinions des ulama, et il y a d'autres ulama qui ont parlé de cette question et de cette divergence là et qui ont aussi clarifié que et même dans les prières dans lesquelles l'imam il récite à haute voix, que si tu as l'opportunité ou la possibilité de réciter la Fatiha dans le silence de l'imam, soit entre lorsqu'il termine de réciter la Fatiha et avant qu'il commence une deuxième surah, si l'imam prend une pause entre les deux, alors dans ce cas-là tu as le temps de la réciter entre les deux, donc pendant le silence de l'imam, donc dans ce cas-là tu n'as pas contredit le hadith et tu as récité la Fatiha. Ou bien le cas aussi, certains ulama mentionnent même baina sakatat al-imam, c'est-à-dire entre les silences de l'imam lorsqu'il récite la Fatiha, entre chaque verset. Donc si l'imam il récite un verset, quand il dit par exemple alhamdulillahi rabbil alamin, eh bien toi après, tout de suite quand il termine, tu récites entre les deux versets, tu récites toi aussi le verset. Donc si il dit alhamdulillah rabbil alamin, toi tu dis alhamdulillah rabbil alamin. Quand il dit ar-Rahman ar-Rahim, tu dis ar-Rahman ar-Rahim ila akhiri, jusqu'à la fin de la sourate. Donc ça c'est une solution aussi et une opinion qui a été mentionnée par les ulama sur cette question là. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'on peut tirer du hadith en question comme règle, le cheikh il a mentionné trois points. ما يؤخذ من الحديث ما يؤخذ من الحديث أولا وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها مع القدرة عليها. Donc il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer des règles de ce hadith là? Le premier point que le cheikh a mentionné, c'est l'obligation de réciter la Fatiha dans chaque raka de la salat, et que il n'y a rien d'autre qui peut remplacer la Fatiha alors qu'on a la capacité de la réciter. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ثانياً بطلان الصلاة بتركها من المتعمد والجاهل والناسي. من المتعمد والجاهل والناسي لأنها ركن والأركان. Donc il dit le cheikh, également l'invalidité de la salat de celui qui l'abandonne volontairement et intentionnellement, de même que de l'ignorant et de celui qui l'a oublié, parce que c'est un pilier de la salat, et les piliers on ne peut pas les oublier ou bien les délaisser de façon absolue. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les délaisser sous aucun prétexte. Parce que les piliers, sans les piliers de la salat, la prière ne sera pas valide. Et la récitation de la Fatiha fait partie des piliers de la salat. Ensuite, le troisième, ثالثا لكن تقدم أن الصحيح من الأقوال الثلاثة أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية وتسقط عنه في الجهرية لسماع قراءة الإمام. Il dit le cheikh comme troisième point que on a mentionné précédemment que la position correcte parmi les trois positions, c'est que il est obligatoire pour al-ma'moum, c'est-à-dire celui qui prie derrière un imam dans la salat, qui est sirriya, c'est-à-dire qui est à voix basse, hein, que c'est-à-dire que c'est obligatoire pour la prière qui est à voix basse, tandis que la prière qui est à haute voix, eh bien son obligation tombe parce qu'il entend la récitation de l'imam. Ça c'est comme on avait expliqué l'opinion de l'imam Malik et une des narrations attribuées à l'imam Ahmad à ce sujet, hein. Toutefois, comme j'ai mentionné, il y a d'autres clarifications qui ont été mentionnées de la part de d'autres parmi les ulama qui indiquent que même dans ce cas-là, et ça c'est l'opinion de l'imam Shafi'i aussi et des ulama de hadith, que son obligation, elle ne tombe pour personne, que ce soit dans la jahriya ou dans la sirriya, dans tous les cas, hein. Et donc on ne doit pas la laisser, excepté si on est incapable de la réciter. Alors dans ce cas-là, on est excusé puisqu'on n'a pas la capacité, mais si on est capable de la réciter, il n'y a aucune excuse. Ok, le cheikh il termine ce point-là ici. Donc nous on va s'arrêter pour aujourd'hui à cet endroit et on continuera la suite au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.